Mimésis. Chapitre 16. Recueillement. Tous égaux devant la mort ? Quel pieux mensonge ! Aux uns les fosses communes, creusées comme on peut, aux autres les caveaux dernier cri. Quand tout est redevenu carbone, il ne reste plus trop que la mémoire des plaques. Je dépense mes derniers billets dans un taxi autonome. Le véhicule est un vieux modèle, hors du réseau central. On en arrête parfois, qui sentent la pisse ou le tabac synthétique à plein nez. Mais la plupart courent dans l'ombre sans licence, pour quelques rentiers moins miséreux que les autres. Un instant, je me demande comment ça fait d'avoir un vrai chauffeur et de devoir lui parler. Franchement, je serais vraiment pas contre. Le taxi me dépose en contrebas. Il est tard, mais les morts ne se plaignent pas. Je monte direct au dernier niveau, croise une famille en deuil, leur urne à la main. Les souvenirs jaillissent. Je les refoule. Adresse aux parents un hochement de tête convenu. À quelques pas, le caveau de ma fille. L'inspecteur est un habitué. Le personnel l'appelle par son prénom, avec beaucoup de compassion. Son histoire est tragique, comme beaucoup. Mais c'est surtout son abnégation qui pince le cœur. Chaque semaine ou presque, seul et en silence, il dédie une heure à la mémoire de son enfant perdu. La culpabilité ne s'éteint pas, tout juste s'oublie-t-elle un peu. Un robot s'avance jusqu'à moi dans un mouvement fluide et délicat. Simple écran cylindrique monté sur roue, il communique par jeu de couleurs pastel. J'apprécie l'intention. Sur ses ordres, je le suis dans une pièce annexe. Là, il me délivre son message avec le tact précieux des gardiens affligés. Ma femme, plus belle que la dernière fois. Quelque chose de cassé dans son regard. On ne se répare pas. Elle me parle avec la même sécheresse mêlée de pleurs, mais cette fois, je sens une distance meurtrie à mon égard. Elle a appelé le service, n'a pas voulu les croire. Je ne suis pas un monstre, n'est-ce pas? Je ne peux pas lui faire ça, pas après ce qu'elle a vécu. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. Je balaye l'écran de la main, furieux. Je ne laisserai personne foutre en l'air le peu qu'il me reste. Non, c'est hors de question. Devant les mois, l'écran redouble de couleurs apaisantes. Diffuse quelques gouttes de musique cristalline. Mais l'inspecteur est intraitable. Ce qu'il veut, c'est une vengeance à la hauteur de son idéal brisé. Je lui laisse quelques minutes. Quand je reprends contact, l'homme est visiblement surpris. C'est vrai que ce corps translucide me donne un air fantomatique. Mais ce qui l'étonne, lui, c'est que je sois toujours en vie. Conscient désormais de la fragilité de mon être, le voilà qui bafouille, s'en veut de ses accès de violence, me fait promettre de ne plus disparaître. Ariane, ce prénom que je n'ai pas choisi, il me l'adresse à tout va, comme une supplique. Je commence à l'apprécier. C'était entendu dès le départ, inspecteur. Je suis votre acolyte. Je la regarde longuement, sans rien dire. Ce qu'elle m'apprend, je le soupçonnais déjà en grande partie. On nous ment depuis trop longtemps. Des machinations comme celles qui me visent, il y en a des centaines, des milliers. On triche, truque, trafique à tout va au nom de sombres intérêts. Un système de corruption organisé. Mais tout n'est pas perdu. Les preuves qu'on ait voulu m'abattre existent. Quelque part, dans les archives privées de VR Corp. Nous pouvons y accéder. Mais nous avons besoin d'une habilitation de niveau maximum. Si nous passons tout de suite à l'attaque, nous pouvons compter sur l'effet de surprise. On me croit mort. Le réseau anéanti. Nous avons bien appris notre leçon. Il faut achever les chevaux blessés. Je ne pourrai plus te parler, tu sais. Tu ne peux plus porter de communicateur. C'est trop dangereux. Ce tutoiement d'un coup. Je te reverrai? Non. Je suis désolée.